What's up? Eh, big up DJ Dave. Pour White Cocaine. Mwen di ou pour White Cocaine. Real soldat. Tell you a present. My list number one. Pour White Cocaine. Mwen di ou pour White Cocaine. Mwen di ou pour White Cocaine. Galant. Yes, I.